petit bonbon ça. Oui, maman. La caille, voyez, bonjour pour vous. Merci, maman. Oui, oui, oui, oui. C'est petit bonbon ça. Oui, maman. La caille, voyez, bonjour pour vous. Merci, maman. Mais café, m'te poté pour vous. Non, merci, maman. Ah, mais manger, moi, poté pour vous. Moi, pas manger aussi, c'est manger au viso, moi, t'as mangé. C'est pas petit bonbon ça. Oui, maman. La caille, voyez, bonjour pour vous. Merci, maman. Oui, oui, oui, oui. C'est pas petit bonbon ça. Oui, maman. La caille, voyez, bonjour pour vous. Merci, maman. Mais café, c'est poté pour vous. Non, merci, maman. Mais manger, moi, poté pour vous. Moi, pas manger aussi, c'est manger au viso, moi, t'as mangé. Dis-moi non, dis chéri, si c'est l'école ou à l'air, ou après le bel amour. L'homme m'y dit bon, ça dit me plaît mourir. L'homme m'y ou baiser, ça dit me dans paradis. Dis-moi non, dis chéri, si c'est l'école ou à l'air, ou après le bel amour. L'homme m'y ou dit bon, ça dit me plaît mourir. L'homme m'y ou baiser, ça dit me dans paradis. Yon ti bon, ti bon, toi ti bon, mami. Ça dit dans paradis. L'homme m'y ou petit bon, le petit bon, toi petit bon. L'homme m'y ou petit bon, le petit bon, toi petit bon, chéri. Ça dit dans paradis. L'homme m'y ou petit bon, le petit bon, toi petit bon. L'homme m'y ou petit bon, le petit bon, toi petit bon, mami. Ça dit dans paradis. L'homme m'y ou petit bon, le petit bon, toi petit bon. Thank you. Sentiment pur au-dessus.